Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nino Arial. Salut Nino, comment tu vas? Salut, ben ça va très bien. Je suis prêt à te balancer toutes mes galères. je suis dans le bon mood là, vas-y, dis-moi. Eh ben parfait. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est un vrai plaisir. Avec plaisir, c'est vraiment très très cool, merci à toi. Eh ben franchement, c'est moi qui te remercie parce que je te voyais passer sur les réseaux, tout ça, avec les vidéos, la scène, et je me disais, quelqu'un comme ça, qui a la double casquette, la double nationalité de YouTube et de la scène, forcément, entre les deux, tu dois avoir des anecdotes, de vraies pépites à nous raconter, quoi. Ben, demande-moi ce que tu veux, et je jure solennellement que je ne mentirai pas. Les gens dans Dis-moi. Ce podcast ne mentent pas, il n'y a aucun souci. Ah, okay, alors, allez, mettons si je te demande, on va commencer gentiment, on va commencer par YouTube. Okay. Si je te demande la plus grosse anecdote que tu aies de tournage, le truc qui t'a marqué pendant un tournage ou une rencontre avec tes fans ou... J'en ai une très marrante. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, le thème c'était les dealers. Ouais. Okay. Et du coup, je dis à mes gars et aux comédiens, bah, venez près de chez moi parce qu'il y a un lieu qui ressemble à un lieu un peu de deal. Quoi. Il y a des tags un peu partout, c'est un peu cité, etc. Donc venez. Donc on arrive le matin, on s'installe, on met notre caméra, on met tout ce qu'il faut. Donc moi, il faut savoir que mon équipe, c'est des blancs. Et j'avais heureusement Yacine Hitch et Ilyes Mela qui étaient là pour jouer dans la vidéo. Et Rodrigue, qui lui est plus blanc que moi encore, un autre humoriste du tas. Quoi. Et là, à un moment donné, il y a un mec qui vient me voir qui me dit « Hey, c'est ici que ça tartine ?» Je lui dis « Quoi ?» Il me dit « Ouais, ça tartine à quelle heure ici ?» Je lui dis « J'ai pas de tartine, je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. » Et il me dit « Frère, ils arrivent à quelle heure? C'est pas compliqué. » Je dis « Non, je sais. Hein? Mais qui ?» Et là, il dit « Vas-y, il se barre. » Et je vais voir mon équipe, je leur dis « Les gars, il y a quelqu'un qui m'a demandé si ça tartinait. » Je sais pas ce que ça veut dire. Et là, il y a un mec perché sur une tour, là, qui est là « On le regarde, il dit « c'est qui ?»« Faut pas rester là !» Il y a d'autres mecs qui viennent nous voir, ça commence à venir nous parler en mode « vous pouvez pas rester là !» Je dis « Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Parce que nous, on travaille ici. Nous, on vend ici, là, à midi. » Je leur dis « Mais comment c'est possible que moi, je tourne une vidéo, j'ai repéré direct votre lieu et les flics, ils savent pas que vous êtes là. C'est pas possible quand même. C'est-à-dire que moi, je suis allé me mettre pile à l'endroit, dans mon quartier, dans tout Clichy, où ça vend de la drogue. » Et il me dit « Oh, je sais pas, mais en tout cas, faut pas rester là. » Je dis « Donc, on peut pas rester là, pourquoi ?» Je dis « Ah, ça va attirer les flics, si vous filmez avec vos trucs, là, ça va attirer les flics. » Donc, dans ma cité où j'ai tourné la vidéo sur les dealers, j'ai tourné pile à l'endroit où il y a le plus gros trafic de drogue de mon quartier. Ça se fait là-bas. Bon, je pense qu'ils ont déjà été rassurés de voir que c'était pas Bernard de la Villardière. Non, voilà, déjà, oui, effectivement. Mais quand ils ont vu les caméras et tout, ils se sont dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on... Oh là là, on va être dans la merde. Ah, » C'est moi, quand même je me pas suis l'aise, dit, heureusement que j'avais quand même deux Arabes dans le tas, parce que s'il y avait que des Blancs, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Parce que là, c'était rebeuf. Rebeuf face à rebeuf, ça parlait le même langage. Et moi, j'étais à côté « Oh là là, qu'est-ce que je vais leur raconter, moi ?» Oui, c'est pour un tournage YouTube. Ouais, c'est fou, hein. C'était drôle, ça. C'était très drôle. Franchement, c'est excellent. Est-ce que tu penses qu'ils sont venus t'interpeller parce qu'ils se disaient, ouais, genre, ils tournent un truc sur notre quartier, sur une histoire de dealer. Nous, on est là, même pas ils nous donnent un rôle. Ah non, je pense qu'ils avaient leurs horaires de travail, ils étaient sur leur lieu de travail. Ils ont dit, mais en fait, vous pouvez pas faire ça comme ça, nous, on bosse. Et je pense que c'est plus une question. Moi, c'est plus une question de conscience professionnelle, à mon avis. Hein. C'était en mode, les gars. La taf, conscience en fait. Professionnelle. Ben, tu sais, on n'en parle pas assez souvent de la conscience professionnelle des dealers. J'avoue que. Bien sûr. Bah, c'est quelque chose qui devrait être souligné. Bien sûr. C'est des mecs qui bossent. Hein. C'est des mecs qui charbonnent. Donc, au final, je pense que c'était ça. Ben, j'avoue que c'était très drôle. Est-ce que tu t'en es voulu d'avoir empêché d'honnêtes travailleurs de faire leur travail? Ah non, parce que du coup, on a bougé. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je ne veux pas déranger le commerce local, moi. Donc, on est parti un peu plus loin, on a tourné dans notre coin. On s'est dit, bah non, c'est leur business, on bouge. Mais j'avoue que l'anecdote était très marrante parce qu'on s'est dit, merde, tu vois, les flics, comment ils peuvent ne pas savoir qu'ils sont là? Alors que moi, en deux secondes, j'ai dit, à mon avis, c'est là qu'on va tourner, ça fait bien 10 heures. Comment ils peuvent ne pas savoir? C'est pas possible. Bah, t'as eu du pif. Hein. Du coup, maintenant, tu deals dans quel quartier? Non, du coup, j'ai arrêté ça. Oh là là. On va faire que des vidéos sur les kebabs et les appartements. Hop là, pas de problème. Pas de problème avec ces gens-là. Tranquille. Non, j'avoue, c'était marrant. Franchement, c'est pas mal comme anecdote, ouais, c'est sûr. C'est là, vrai, c'est... Ah bah là, ouais, ce genre de tournage-là, ça a dû bien rigoler après. Et du coup, peut-être que tu peux en faire un set sur scène. Ouais, c'est vrai que ouais, j'y ai jamais pensé, mais ça fait partie des trucs qu'on peut faire. En fait, ouais. Si à un moment donné, je me dis, tiens, c'est marrant de le raconter, je le ferai. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore. Je ne sais pas si la vie d'un YouTuber, ça intéresse vraiment les gens. Mais c'est vrai que ça peut. Bah, ça franchement, peut. C'est, même sans parler de YouTuber, je veux dire, c'est marrant de se dire que tu es parti tourner une vidéo sur les dealers. Et que dans t'es un quartier où ça fait des deals, ouais. Bah, pile à l'endroit où il fallait pas, quoi, pile à l'endroit où c'était réellement le cas. J'avoue, donc, c'est vrai. T'as eu du pif, t'as eu du pif, franchement. C'est vrai. Et donc, la moralité de cette histoire, c'est si jamais vous faites une vidéo sur les dealers, amenez toujours deux Arabes en garantie. Ou des Renois, ou des mecs qui font street, quoi. Ou des Blancs, mais costauds, tu vois. Mais pas des mecs comme moi. Ouais, il faut une caution, quoi. Ouais, voilà. Il faut une caution, j'allais dire street. Tu vois, et moi, quand tu me vois, tu te dis tout de suite, lui, non, le rap, c'est pas son truc. Donc, on a failli se faire démonter, mais finalement, ça s'est bien passé. Ah, d'accord. Bah, écoute, franchement, c'est une belle histoire, et moi, je la verrai bien sur scène, tu vois. C'est clair, des anecdotes comme ça. Je garde l'idée, pourquoi pas. Ouais, bah, de toute façon, les gens aiment, tu vois, tu disais, je sais pas s'ils s'intéresseront à la vie d'un youtubeur et tout, mais ouais. Toi, t'es sur scène, donc, tu vois, un petit truc en bonus, en fin de spectacle ou quoi, quand tu joueras ton heure complète, à ce moment-là, tu vois, genre en fin de spectacle, leur dire, ouais, maintenant, j'espère que vous avez kiffé le spectacle et tout, je vous balance un petit truc, vous me dites ce que vous en pensez, voilà, et puis hop, tu leur racontes, tu leur dis, vous savez que je fais des vidéos à côté, parce que j'imagine que les gens qui vont venir te voir sur scène, c'est des gens qui te connaissent de YouTube aussi, et donc voilà, tu vois, tu vas pouvoir leur dire, tu sais, une petite pépite, ou alors en faire une vidéo YouTube, tu vois, genre tu l'as peut-être déjà fait, genre une vidéo mes pires anecdotes YouTube, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais, je pourrais le faire. Je l'ai pas encore fait, non, mais c'est une bonne idée, effectivement. Ah ben, moi je sais que je kiffe, moi je suis quelqu'un, depuis que je suis gamin, je kiffe tout ce qui est envers du décor et tout, tu vois. Ah donc, ouais, d'accord. Voilà, ben, quand quelqu'un, tu vois, par exemple, je sais pas, tu sais, les making-of et tout, tu regardes un film et après tu découvres comment ils ont fait telle scène, comment ils ont fait ça. Moi, j'aime bien l'envers du décor. Donc là, toi, tu montes sur scène ou tu le fais en vidéo et tu racontes ce qu'on n'aurait pas pu voir en temps normal, ben, franchement, c'est beau, tu vois. Et c'est d'ailleurs de là qu'est partie l'idée du podcast. C'est que je me dis, j'ai envie que les gens, tu vois, qu'on partage vraiment l'envers du décor de ce qu'on fait sur scène ou quoi. Et ben donc oui. Là, ouais, vraiment, vraiment belle pépite, quoi. Ben, écoute, j'y penserai. Promis. Avec grand plaisir, je prends que 40% des bénéfices. C'est gentil. C'est normal, c'est la famille, t'inquiète, c'est la famille. Bon. Ouais, ok. Et donc, par rapport à la scène maintenant, tu avais d'autres anecdotes qui te sont arrivées Par rapport à la scène, bah pareil, il faut que je te trouve un truc. Ouais. Bah, la plupart du temps, ce qui est le plus marrant, c'est genre quand on prend un bide intersidéral. Ah, bah alors oui, mais je vais rien te raconter de neuf par rapport à ce que tous les humoristes de Paris connaissent. Hein. Tu dis à n'importe quel humoriste, il n'a pas pris un beat une fois, bah, il va te raconter cette anecdote que je vais te raconter. Parce que moi, ça s'est passé à la Cigale devant 2000 personnes. Ah ouais. Ouais. J'ai fait l'expérience un jour. On l'appelle le beat de Nino. Bah, c'est un truc, c'est devenu une anecdote que tout le monde se raconte. Hein. C'est une légende maintenant. D'accord, ouais. Non, parce que moi, beaucoup de gens parlent du beat de Sofiane, mais c'est juste une question physique, en fait. Non, c'est pas la même chose. Mais, bon, c'est juste une question de gabarit. Je préfère ton beat que le mien. Ah ouais, parce que le mien est beaucoup plus solide, hein. Vraiment beaucoup plus solide. Alors ouais, le beat de Nino, qui est une légende vivante, en fait je suis au Paname depuis un mois, deux mois, trois mois je crois, trois, quatre mois, et je suis, tu sais, moi je suis aujourd'hui, je travaille avec Kader Aoun, en producteur, tu vois, et donc je suis un peu le protégé du lieu, celui qui monte, quoi, le mec à surveiller, tout le monde dit... que c'est moi qui vais péter dans pas longtemps. Kader est beaucoup sur mon dos. J'ai un passage qui marche très très bien, qui explose la salle alors que je viens d'arriver. Donc je vais à la Cigale en pleine confiance. La Cigale en mode, hey, ça c'est mon moment les gars, ce qui va se passer. Et ça passe, les gens passent les uns après les autres, ça se passe bien pour quasiment tout le monde et tout. Et j'arrive, c'est à mon tour. Kader vient me voir, hey, détente normale, hein, tu connais ton taf, c'est ce que tu as à faire, prends du plaisir et tout. Et je pense que moi je rentre sur scène, mais un peu trop content, tu vois ce que je veux dire, genre un peu trop en mode on va rigoler les gars, vous savez même pas ce que je vais vous faire, et donc j'arrive avec trop d'énergie en mode ça va, et en fait les gens sont pas du tout dans ce mood là parce que les deux mecs avant moi aussi sont des mecs assez calmes, tu vois, c'est pas des mecs qui pètent les plombs comme ça, et pendant 5 minutes pas un rire, mais quand je te dis pas un, c'est rien, première vanne, rien, deuxième vanne, rien, troisième vanne, rien, quatrième vanne, rien, cinquième vanne. Je commence à avoir chaud sa grand-mère. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont monté le chauffage ou quoi? Oh là là, ça va pas du tout. Je termine de passer, je sors et là, il y a Charlie Niobé, un humoriste qui est ici aussi, que tout le monde connaît à Paris. Je vais, tu sais, le chemin que je fais entre mon bide et lui, dans ma tête, je me dis, peut-être la salle, elle est grande et j'ai pas trop senti les rires, tu vois? En fait, ça s'est bien passé. Et j'approche, je passe à côté de Charlie, il me prend dans ses bras et il me dit, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Et là, la vie de ma mère que t'as très très mal. Tu dis, mais c'est pas grave de quoi? Je comprends pas. Pourquoi tu me dis c'est pas grave? À la sortie, au final, je sais même pas comment je suis rentré chez moi ce soir-là. Je ne me rappelle pas si j'ai pris un Uber, si on m'a ramené. J'ai mon sac à dos qui est toujours à la Cigale, que j'ai oublié sur place ce jour-là. Et ah ouais, je suis rentré chez moi en planant. Allez, et c'est après, pendant. Ouais. Ça se trouve, il est encore sur place, le sac. Ça se trouve, il est encore là-bas. Il se dit, c'est quoi ce sac de merde? Et quand les gens. Non, même pas. C'est quand les gens le regardent, t'as des artistes peut-être qui disent, ah, je vais le ramasser. Et les autres font, ne le touche pas! Ça appartient à Nino qui a le bidé. Il a bidé de ouf. Si jamais tu le touches, tu bideras comme lui. ça se trouve, c'est un porte-malheur. C'est comme un porte-bonheur, mais dans l'autre sens. Touche pas à cette merde. Ouais, je pense que c'est mon plus gros bide de. Bah, de toute façon, là, je pourrais pas faire mieux. La Cigale, ouais. Quand tout le monde t'attend, c'est le plus gros bide de l'histoire. Après, si tu veux d'autres anecdotes de tournée, j'ai des anecdotes marrantes. Ouais, vas-y. C'est avec Mathieu Madénian, tu sais, je fais les premières parties de Mathieu Madénian, moi. D'accord. Et en fait, Mathieu, il joue dans des villes un peu paumées, tu vois, en France, des fois. Et quand on va dans des villes paumées, c'est les meilleures tournées. Parce que les gens, c'est la vraie France. Tu sais, ils sont complètement fous. On va jouer à Villebon-sur-Yvette. Oula. Genre, rien que le nom, je peux dire. Là-bas. C'est-à-dire ils n'ont pas d'eau, ils font que boire de l'alcool toute la journée. Ça veut dire l'eau n'existe que sous forme de pluie là-bas. Déjà on monte dans la voiture, c'est le maire de la ville qui vient nous chercher et je lui dis à Mathieu, le maire il a le temps quand même, comment le maire il peut venir nous chercher quand même? Il me dit je sais pas, il doit être content de nous voir, tu vois. Le mec nous amène dans sa ville là-bas et il nous dit écoutez, avant d'aller jouer, je dois vous faire rencontrer l'équipe de rugby locale. Je dis à Mathieu, il est 15h, une équipe de rugby. À mon avis, ils sont éclatés. Il va falloir faire attention, Mathieu. On ne sait pas ce qui va se passer. Mathieu dit, mais non, tranquille, c'est le rugby et tout. On arrive là-bas, Mathieu commence à prendre des photos avec des gens à droite à gauche. Et là, il y a le maire qui dit, Mathieu, prends un ballon et fais une photo avec l'équipe de rugby. Mathieu, il prend un ballon, il se prête au jeu, il est gentil, Mathieu, tu vois, il fait des photos avec tout le monde et tout. Prends un ballon. Derrière lui, il y a toute l'équipe de rugby qui se met, sauf quelques gars. Tu vois, il y en a quelques-uns, ils veulent pas prendre la photo, et ça m'intéresse pas. Et moi, je me mets en face et je veux prendre une photo en même temps que le photographe à Mathieu pour me foutre de sa gueule, tu vois, pour dire, grosse, tu vois, la grosse vedette Mathieu Madénian, un truc comme ça. Et pendant que je suis en train de prendre la photo, il y a deux rugbymen derrière moi qui sont pas allés prendre la photo, qui sont éclatés complets. Il y en a un qui dit à l'autre, c'est qui ce con là? L'autre, il dit, ben, c'est un comédien, là, la télé, là, Michel Drucker, je sais pas quoi, là. Et là, l'autre, éclaté, il lui dit, oh, j'ai envie de lui mettre un tampon à lui. Et l'autre, il dit, mais pourquoi tu veux mettre un tampon? Et le gars, il lui répond, mais parce que regarde, il tient le ballon. Quand tu tiens le ballon, il y a tampon. Je vais voir Mathieu à l'oreille, je lui dis, pose le ballon. Je dis, pourquoi? Je lui dis, c'est comme les taureaux, c'est du rouge pour eux, ça. Ils vont te foncer dessus. Pose. Mathieu, jette le ballon par terre. Et on est resté collé là à l'autre, comme ça, regarde, tu sais, genre, on marchait dos à dos presque. Genre, regarde autour de toi. Si jamais tu vois un mec qui te court dessus, tu plonges. C'était... D'accord. Et après, bon, j'ai plein d'autres. Anecdotes avec eux, mais il y en a trop. J'ai passé deux nuits avec eux, c'était incroyable. Déjà, merci beaucoup, Nino. Je crois comprendre qu'en fait, c'est grâce à toi que Mathieu Madénian est toujours en vie. Oui. Enfin, c'est à cause de moi, du coup. On dit pas grâce, on dit à cause. On aurait tous préféré que Mathieu s'en aille avant de faire son dernier spectacle. Mais bon, c'est pas grave, il est là, écoute. Ok. C'est magique, vous avez dû vraiment vous éclater pendant ces tournées-là. Mais c'est pire que ça, on repart là tous les deux. Moi, j'aime trop Mathieu, j'aime trop partir avec lui. Dès que je pars avec lui, on rigole, c'est trop bien. On découvre la vraie France, tu vois, la France qu'on avait oubliée, nous. Nous, on se dit, les gens, ils sont civilisés, ils sont bien. Et là, tu vas avec lui, tu dis, ah, il reste eux quand même, ils sont encore solides, hein. Il y a du lourd, c'est sûr. On suivra ça avec grand plaisir. On suivra donc tes premières parties et puis tes passages sur scène. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi pour ces belles anecdotes. Merci beaucoup. Franchement, de rien, c'était un honneur de t'avoir dans le podcast. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Tu tapes Nino Arial sur Google, tu me trouveras. Hein, peu importe où. Normalement. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok maintenant, Twitch. TikTok aussi. Ok. Et voilà, un peu partout. Je mettrai tous les liens, il n'y a pas de problème. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci aux auditeurs, surtout de Sofiane. Et puis, abonnez-vous. Je ne sais pas comment ça marche les podcasts, mais abonnez-vous au podcast ou suivez. Abonnez-vous et merci beaucoup pour ton soutien. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.